بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة في الشرح على كتاب الصيام من عمدة الأحكام. On commence aujourd'hui donc le 11e cours dans l'explication de cette série. Dans cette série, l'explication de Umdat al-Ahkam, l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam. وَقَدْ رَأَيْنَا بِالْأَمْسِ أَدِلَّةَ الْقَائِلِينَ بِالْمُسَاوَةِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَالْقَائِلِينَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ أَوْ وَالْقَائِلِينَ بِأَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ. Nous avons vu hier les preuves des savants qui voient que le fait de jeûner ou de ne pas jeûner durant le voyage sont identiques. Le fait de jeûner et de ne pas jeûner sont identiques. Nous avons vu leurs preuves. Et nous avons aussi vu les preuves de ceux qui voient qu'il est préférable de ne pas jeûner pendant le voyage. ومعنا اليوم الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Et donc le hadith qu'on va voir aujourd'hui, le deuxième hadith du sous-chapitre, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit: nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les jeûneurs et le jeûneur ne blâmaient pas celui qui ne jeûnait pas, et celui qui ne jeûnait pas ne blâmait pas le jeûneur. Fil hadith jawazu siyami wal iftari fi safar. Il y a dans le hadith la permission, la licéité du jeûne et de ne pas jeûner pendant le voyage. Wa fil haqiqa hadhihi al mas'ala mujma'un 'alayha bayna al a'immat al arba'a. Et en réalité, ce sujet, les quatre imams sont unanimes sur ce sujet. Les quatre écoles sont unanimes sur ce sujet. Mais ils ont divergé concernant ce qui est préférable. Et donc, ils sont unanimes sur le fait que pendant le fait de voyager, il est permis de jeûner et il est permis de ne pas jeûner. وهذا الحديث فيه أيضا أن الصائم في السفر لا ينكر على المفطر والمفطر لا ينكر على الصائم. Il y a dans ce hadith le fait que le jeûneur en voyage ne va pas blâmer celui qui ne jeûne pas, et celui qui ne jeûne pas ne va pas lui non plus blâmer le jeûneur. فإن بعض الناس يتعلم حكما في مسألة اختلف فيها العلماء فتجده يلح على من خالف القول الذي اختراه وهو يلزم الناس به هذا خطأ. Certaines personnes, lorsqu'elles apprennent le jugement d'un sujet spécifique sur lequel les savants ont divergé, et donc tu les vois insister, se comporter avec insistance avec toute personne qui a choisi un autre avis que celui qu'il a choisi pour lui-même. Et il va imposer son avis aux autres. Ceci est une erreur. La Bouddha an tafhamu ayyuha al-ikhwa anna hunaka masail yasuru fiha al-khilaf fala yu'abu ala hadha wa la ala dhak. Il est impératif que vous compreniez, ô mes frères, qu'il y a certains sujets sur lesquels il peut y avoir divergence. Et donc, on ne va pas blâmer un tel ni un autre. وَبَعْضُ الْمَسَاءِ لَا يَسُغُ فِيهَا الْخِلَافِ لِكَوْنِ الْكَوْلِ الثَّانِ خَالَفَ الدَّلِيلَ الْوَاضِحِ. Et il y a d'autres sujets sur lesquels, donc, on ne peut pas avoir, et d'autres sujets dans lesquels la divergence va être blâmable. Pourquoi ? Parce que le deuxième avis va s'opposer à la preuve claire. فلا بد أن تفهموا هذا بارك الله فيكم. Il est impératif que vous compreniez cela. بارك الله فيكم. والحديث الثالث عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Selon Abi Darda, radiallahu anhu, qui dit « Nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes partis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, durant une forte chaleur. À tel point que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête pour se protéger donc de la chaleur. Et il n'y avait parmi nous aucun jeûneur en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Il n'y avait parmi nous aucun jeûneur en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. هذا الحديث استدل به الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية. Et donc, ce hadith, la majorité des savants se sont appuyés sur ce hadith. La majorité des savants, c'est-à-dire donc l'école hanafite, l'école malikite et l'école shafi'ite. استدلوا بهذا الحديث على أفضلية الصوم في السفر. Ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est préférable de jeûner pendant le voyage. قالوا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل لغيره. Idan al-afdal al-siyam fi safar. Et donc ils ont dit, on voit clairement dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait pendant le voyage. Or, on ne va pas dire, on ne dit pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam délaisse ce qui est mieux. On ne dit pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam délaisse ce qui est mieux. Pour autre que cela. Et donc, cela nous montre qu'il est préférable de jeûner pendant le voyage. Ça, c'est la preuve de Al-Jumhur. Donc, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné pendant le voyage. Et donc, le prophète, lui, il fait ce qui est mieux. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Ils se sont aussi appuyés sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَأَنْتَ سُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Et que vous jeûniez est mieux pour vous. Le fait que vous jeûniez est mieux pour vous. لكن في الحقيقة لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر. Cependant, en réalité, il n'est pas correct d'utiliser ce hadith. Il n'est pas correct d'utiliser ce verset pour dire que le fait de jeûner pendant le voyage est mieux que le fait de ne pas jeûner. On ne peut pas utiliser ce verset pour cela. Pourquoi ? وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُوَ السِّيَامُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ. Parce que ce qui est voulu dans ce verset, c'est le jeûne au début. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْنَا صِيَامَ رَمَضَانَ بِالتَّدَرُّجِ. فكان المسلمون في أول الأمر بين أمرين إما الصيام وإما الإطعام فبين الله تعالى أن الصيام خير وذلك كان في أول الأمر. Et donc, il est connu que Allah Ta'ala, il nous a imposé le jeûne graduellement. Il nous a rendu obligatoire le jeûne graduellement. Alors les musulmans, au début, ils avaient le choix entre deux choses. Soit le fait de jeûner, soit le fait de nourrir des pauvres. Et Allah Ta'ala leur a montré que le fait de jeûner est mieux. Cependant, ça c'était au début. Et donc, on ne peut pas utiliser on ne peut pas utiliser ce verset pour dire donc qu'il est mieux de jeûner pour donc pendant le jeûne, pendant le voyage. Mais il reste toujours la première preuve, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, donc il a été donc prouvé que le prophète a jeûné pendant le voyage sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, on ne peut pas dire que le prophète délaisse ce qui est mieux. إذن ملخص الأقوال التي رأيناها إلى الآن في هذه المسألة. Et donc, en résumé, les avis que nous avons vus jusqu'à maintenant dans ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est préférable durant le voyage, de jeûner ou de ne pas jeûner. Bien que cette année, Allahu a'lam, ça va être difficile de voyager, mais Inch'Allah, on prend quand même le sujet, il se peut que certains de nos frères voyagent. Et donc, القول الأول الذي رأيناه المساواة بين الصوم والفطر في السفر ونسب هذا القول إلى بعض علماء المذهب الشافعي. Et donc, le premier avis qu'on a vu, c'est l'avis de ceux qui disent que le fait de jeûner ou de ne pas jeûner sont égaux. Et certes, cet avis a été attribué à certains savants de l'école Shafi'ite. القول الثاني أفضلية الفطر في السفر وهو قول الحنابلة. Et donc le deuxième avis, l'avis qui stipule donc qu'il est mieux de ne pas jeûner pendant le voyage, et ça c'est l'avis de l'école Hanbalit. C'est l'avis de l'école Hanbalit. والقول الثالث هو القول الذي رأيناه اليوم أفضلية الصيام في السفر وهو قول الجمهور. Et donc le troisième avis, l'avis qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'avis qui stipule qu'il est préférable de jeûner pendant le voyage, et c'est l'avis de la majorité des savants, l'avis de l'Jumhur. وَبَقِيَ لَنَا قَوْلًا فِي الْمَسْأَلَةِ سِنَرَهُمَا فِي الْأُسْبُوعَ الْقَادِمِ إِنْشَاللَّهُ تَعَالَى. Il nous reste deux avis à voir dans ce sujet. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Avant qu'on voit quel est l'avis le plus juste, il nous reste deux avis à voir. Et ça, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.